Le Vestibule, rétrospective 2008. cette édition spéciale rétrospective 2008 de l'émission Le Vestibule s'amorçait avec le projet Terminal Sound System mené par l'Australien Sky Klein qui nous présentait sa composition Zodiac tirée de son huitième album Constructing Towers paru au mois de septembre 2008. Jean-François Fecteau qui vous accueille à l'intérieur du vestibule pour une 597e fois en ce samedi 20 décembre 2008. Et pour les quatre prochaines heures, je vous présenterai les 30 albums qui, selon mon humble avis, ont marqué l'année 2008 sur la scène de la musique électronique. Vous comprendrez que ces choix sont tout à fait arbitraires, qu'ils n'ont absolument rien de scientifique et qu'ils ont été très déchirants à faire. En plus de vous faire entendre ou réentendre une pièce de chacun des 30 albums de l'année 2008, je me permettrai de laisser échapper dans l'enceinte du vestibule quelques pièces qui m'ont particulièrement touché au cours de la dernière année. Même si elles ne sont pas nécessairement reliées à la musique électronique, elles n'en sont pas moins incontournables, vestibulairement parlant, bien sûr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable séjour dans ce vestibule spécial rétrospective 2008, en espérant que vous y trouverez la motivation pour y demeurer jusqu'à la fin. Mais avant de parler de la fin, il faut en justifier les moyens. Voici donc le duo britannique Atomic Hooligan et la pièce Weed dans le vestibule. Ici Radio Bocmaton, la vraie radio dortoir. Un spécial de Noël. Et oui, nous vous avons déniché quelques bons has-beens de Noël. C'est fou les fêtes au 89.1. Précédemment, à la pause publicitaire, on pouvait entendre dans le vestibule la formation suédoise Beat Under Control, qui est menée par le bassiste Ulf Ivarsson. Il nous offrait la composition Cosmic Repackage, qui est en fait la pièce-titre de l'album duquel est tirée cette pièce. Et cet album renferme des influences de dub, de jazz, de funk, d'électronique, avec une petite touche d'expérimental. Alors, fort intéressant, et c'est paru sur étiquette, Malicious Damage Records. L'étiquette, si on peut l'appeler ainsi, de la formation The Orb. Et je crois que cette étiquette est peut-être l'étiquette qui ressort le plus en cette année 2008. Je parle bien sûr du vestibule. Tout juste avant Beat Under Control, c'était l'Américain Alex Moulton qui nous offrait la pièce Out of Phase de son album Exodus, un album qui s'inspire grandement de la période des années 70 pour ce qui est de la musique synthétisée. Donc on pense à des influences comme Vangelis, Jean-Michel Jarre, Giorgio Moroder, Klaus Schulze. Alors bien sûr une influence qui est au goût du jour, bien sûr que les influences ont été puisées, mais il reste quand même que c'est très contemporain quand même. Un album fort intéressant de Alex Moulton. Et on débutait avec le duo britannique Atomic Hooligan, formé de Matt Welsh et de Terry Ryan. Ils nous ont offert durant l'année 2008 un deuxième album qui porte le titre de Sex, Drugs and Blah Blah Blah. Et de cet album, nous entendions Weed. Et le deuxième album est peut-être un peu moins intéressant que le premier, mais ça reste quand même une musique très diversifiée, très accrocheuse. On les compare parfois un peu à The Chemical Brothers. Je ne suis pas tout à fait en désaccord. Alors, ça reste à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Atomic Hooligan. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission spéciale Le Vestibule Rétrospective 2008 jusqu'à on ne sait trop quand. Et ce qui suit à l'instant, c'est une très belle, j'allais dire découverte, mais c'est plutôt une très belle parution du duo montréalais X's and O's qui en 2008 nous ont offert l'album Bedroom Madness. Un deuxième album pour ce duo montréalais et une troisième parution, mais un deuxième album complet. Et cet album nous a offert des pièces beaucoup plus accrocheuses, beaucoup plus pop, dans le bon sens du terme. Le premier album était un peu plus expérimental, alors je vous offre entendre peut-être la pièce la plus accrocheuse qui, moi, me fait à chaque fois déconner et complètement disjoncter. Alors voici la pièce High School de X's and O's dans le vestibule. We'll be right back. Le vestibule se poursuivait avec la musique du producteur, ingénieur de son et bien sûr compositeur Carmen Rizzo, qui nous offrait la pièce Confusions, sur laquelle on peut entendre le quintet britannique Blue Neck. Et cette pièce, on la retrouve sur l'album de Carmen Rizzo, l'album Ornament of an Imposter, qui a connu écho à la fin de l'année, puisque un album de remix est paru qui s'intitulait tout simplement Ornament of an Imposter Remixed, qui comprenait bien entendu les pièces de cet album, mais en version remixée. Tout juste avant Carmen Rizzo, c'était la formation Transmission, un quatuor britannique que l'on pourrait qualifier de super groupe, puisqu'on compte dans ses rangs Tim Brand, qui fait partie de Dreadzone. Il y a également Simon Tong, qui a fait partie de la formation The Verve, et également Gorillaz. Il y a Paul Ferguson, qui a été batteur de Killing Joke. Et finalement, Youth, le leader de la formation, bassiste, entre autres, fondateur de Killing Joke également. Donc, de Transmission, on entendait la pièce Glade, et on pouvait la retrouver, cette pièce, sur la compilation The Clock Machine Turns You On Volume 2, une double compilation parue sur étiquette Malicious Damage Records. Comme je vous le mentionnais précédemment dans l'émission, cette étiquette de disque qui est en fait l'étiquette de la formation The Orb, a peut-être été l'étiquette qui s'est démarquée le plus cette année dans le vestibule. Et pour débuter la séquence, c'était le duo montréalais X's and O's, qui est formé de Edmund Lam et de Heidi Donnelly, qui forment un couple dans la vie et qui se sont connus, à ce qu'il paraît, à l'école secondaire. Et d'ailleurs, ce que l'on entendait, c'était la pièce High School. Et c'est paru sur leur deuxième album complet, leur troisième parution, l'album Bedroom Madness. Vous écoutez bien sûr l'émission spéciale Le Vestibule Rétrospective 2008 en compagnie de votre portier de service Jean-François Fecteau, et ce jusqu'à on ne sait trop quand. Et ce que l'on va entendre à l'instant, c'est une courte pause publicitaire, mais tout de suite après, je vous offre à entendre une de mes belles découvertes de l'année 2008. Il s'agit du trio allemand Computer. Tout de suite après la pause dans Le Vestibule. La neige, c'est fou. plans must be golden. Sister by the hand, your heart trusting in. Shining eyes when she looked up at him. Come on, let's walk to the moon. Come on, let's walk to the moon. Freedom of choice, triumph of the will. God made his joke. Signs by the wayside leading to nowhere. Winter came bringing hidden despair. Come on, let's walk to the moon. Come on, let's walk to the moon. Ce qui vient tout juste de terminer la séquence musicale dans le vestibule, c'était le duo allemand Dinah Lacaine qui nous offrait la chanson The Walk to the Moon. Et cette pièce est parue sur la réédition de leur album Forest Enter Exit. L'album originalement est paru en 1993, mais cette réédition, donc 2008, comprend également le mini-album Mind Machine. Et le duo allemand Dinah Lacaine est formé de Alexander Velyanov et de Ernest Horn. Et la formation a été fondée en 1985. Tout juste avant, eh bien, c'était le projet britannique Bomb the Bass qui a fait un retour remarqué en 2008. Le dernier album studio de ce projet datait de 1995, donc presque 13 ans d'absence en ce qui a trait à Bomb the Bass. Le projet est le projet de Tim Simenon, qui a créé Bomb the Bass en 1987. Il nous offrait donc en 2008 un quatrième album qui porte le titre The Future Chaos. Et de cet album, nous entendions la pièce Smog, sur laquelle on peut entendre le chanteur Paul Conboy, qui est peut-être le partenaire de Tim Simenon sur cet album, puisqu'il chante sur 5 pièces. Mais également, Tim Simenon s'est adjoint les services de plusieurs collaborateurs sur Future Chaos, entre autres David Best, qui fait partie de Fujiya and Miyagi, également de Jake Williams, qui fait partie de Jake One, et de Richard Tare, qui fait partie, lui, de Red Snappers. On peut retrouver également John Spencer, bien sûr, du John Spencer Blues Explosion, et qui se fait connaître tout simplement sous le nom de Blues Explosion ces temps-ci. Et aussi Mark Lanegan, que vous connaissez peut-être pour l'ancien chanteur de la formation Screaming Trees. Il a aussi collaboré avec Queens of the Stone Age. Alors, un album qui s'apprivoise à chaque écoute. J'avoue que aux premières écoutes, je n'étais pas certain, puisqu'il y a un côté un peu minimaliste à cet album de Bomb the Bass, l'album Future Chaos. Mais à force d'entendre, de réécouter et d'apprécier les subtilités, eh bien, on en vient qu'à vraiment accrocher à cet album, et c'est peut-être un de mes albums favoris de 2008, Future Chaos de Bomb the Bass. Et pour débuter, le trio allemand Computer, qui nous offrait In the Air, remixé par le finlandais Juho Kaihilainen, et sous le nom de Disco Remix. On peut retrouver cette version remixée sur le mini-album Give Me Another Frame Remix EP. Et la pièce originale, elle, In the Air, on la retrouve sur l'album de Computer, l'album Give Me A Frame. Très belle découverte en passant, mélange de rock, d'électro, avec une voix fort intéressante à entendre. Vous écoutez bien entendu le Vestibule, édition spéciale rétrospective 2008, en compagnie de votre portier de service Jean-François Fecteau. Si vous désirez en savoir davantage sur les artistes que je vous présente à chaque semaine, eh bien, je vous invite à visiter le myspace.com/levestibule. Et sur ce profil, vous pourrez également consulter le palmarès de musique électronique, consulter le top 30 2008 et aussi réécouter, écouter les anciennes émissions Le Vestibule en balado diffusion. Donc, myspace.com/levestibule. Ce qui suit à l'instant en musique, ce sont les Belges Soul Wax qui nous ont offert tout récemment un nouvel album qui s'intitule Part of the Weekend Never Dies. C'est en fait un projet assez audacieux, en fait, puisque ils ont enregistré 120 concerts lors de leur tournée un peu partout à travers le monde. Et de ces enregistrements audio et vidéo, ils en ont tiré 2 documentaire et un album, bien entendu, Part of the Weekend Never Dies. Donc, vous en conclurez que cet album a été enregistré en concert, bien sûr. Et de cet album, nous allons entendre à l'instant la pièce Crack. Voici Soul Wax dans le Vestibule. Thank you. to keep more than she wants to be. Tout juste avant la pause publicitaire, on pouvait entendre dans le vestibule de Matthew Herbert Big Band, qui est en fait le deuxième projet, en fait le deuxième album de ce projet de Matthew Herbert, qui œuvre habituellement sous son propre pseudonyme, mais parfois il s'offre le luxe de faire un peu de jazz, de big band, et il mélange bien sûr son côté très expérimental électronique et également son côté un peu politically incorrect. Et ce que l'on entendait, c'était la pièce Regina. C'est paru sur l'album There's Me and There's You, comme je le mentionnais, qui est le deuxième album du Matthew Herbert Big Band. Tout juste avant, Eh bien, c'était le duo britannique Portishead, bien sûr, qui nous ont offert un troisième album cette année, en 2008. L'album s'intitule tout simplement Third. Et ce troisième album est paru 10 années après la parution de leur dernier album, qui était enfin un album enregistré en concert en 1998. Il faut remonter en 1997 pour un album studio, qui était en fait l'album éponyme, le deuxième du groupe. Alors, ce troisième album était très attendu des fans et je crois qu'il n'a pas déçu. Par contre, je crois qu'il a désarçonné plusieurs d'entre eux avec l'album Third. Portishead est allé dans plusieurs directions, des sonorités psychédéliques, un côté un peu rock, comme on pouvait l'entendre sur la pièce We Carry On, des influences sur cette pièce qui nous rappelle bien sûr Joy Division, défunte formation de la fin des années 70, début 80. On retrouve sur l'album Third of Portishead des pièces très expérimentales, électro, acoustiques. Alors, très, très, très, très intéressant comme album, peut-être un des meilleurs albums de l'année. Par contre, il faut avoir l'esprit ouvert, les oreilles ouvertes. Et on retrouve, par contre, je trouve que le tour de force de Portishead a été, bien sûr, d'aller dans une toute autre direction de ce qu'ils nous avaient habitués auparavant, mais ils ont quand même gardé l'essence de leur musique, c'est-à-dire toute cette sensibilité dans la voix de Beth Gibbons, la chanteuse, qui est toute particulière et qui nous fait à chaque fois, eh bien, tomber en amour avec cette voix et cette émotion qu'elle sait si bien transmettre. Et pour débuter la séquence, c'était les Belges Soul Wax et la pièce Crack, enregistrée en concert, parue sur leur plus récent album Part of the Weekend Never Dies. Jean-François Fecteau qui vous accompagne dans le vestibule jusqu'à on ne sait trop quand, dans cette rétrospective 2008. Et je vous offre au cours de cette émission spéciale une pièce de chacun des 30 albums qui, selon moi, selon mon humble avis, ont marqué la scène de la musique électronique au cours de l'année 2008. Et ce qui suit à l'instant, c'est peut-être une des pièces qui m'est le plus cher au cours de cette année. Il s'agit de la pièce Spit It Out de l'artiste I Am X, qui est en fait le pseudonyme de Chris Corner, que vous connaissez peut-être, artiste britannique qui est le leader de Sneaker Pimps. Et c'est paru cette pièce Spit It Out sur le deuxième album de I Am X, l'album The Alternative, qui était paru en 2006 en Europe, mais qui est paru cette année en Amérique du Nord. Alors, sans plus de préambule, voici I Am X et la chanson Spit It Out dans le vestibule. I will replace the noise with silence. crying, hug them closely. Listen to their story. About dealing with money bags on top of the world, flying in circles between us and the sun. Eating people's brains is what they do. So stay flying on top of you. C'était le trio Brazilian Girls, basé à New York. Nous interprétaient la pièce Internationale, parue sur leur troisième album New York City. Et sur cette pièce, on peut entendre l'artiste africain Abba Maal. Et la formation Brazilian Girls est menée par la chanteuse Sabina Xiuba, qui a des origines italiennes et allemandes. Elle parle d'ailleurs couramment l'italien, l'allemand, l'espagnol, le français, le portugais et l'anglais. Et elle utilise toutes ces langues très souvent dans ses chansons. Et comme vous avez pu le constater, la musique de Brazilian Girls est un amalgame de multitudes de styles, de genres. On y retrouve tant le jazz, le rock, le funk, des rythmes cubains, africains, également qui nous vient d'Amérique du Sud, des influences très riches, et ça donne vraiment des pièces très éclatées, très surprenantes également. Ce troisième album est peut-être moins accrocheur que le deuxième, quoique si on creuse un peu et on s'attarde à chacune des pièces, eh bien, on arrive à les apprivoiser et à vraiment apprécier cet album New York City de Brazilian Girls. Tout juste avant, c'était le duo allemand Warren Suicide et la chanson Land of the Free. C'est paru sur leur album Requiem for a Missing Link. Et on débutait avec I Am X, le projet du Britannique Chris Corner, aussi leader de Sneaker Pimps. On entendait la chanson Spit It Out de l'album The Alternative, le deuxième album de I Am X. Comme je le mentionnais, l'album est paru en 2006 en Europe, mais seulement en 2008 en Amérique du Nord. D'ailleurs, le premier album, Kiss and Swallow, qui lui était paru en 2004 en Europe, est aussi paru cette année. Et le troisième album, lui, devrait paraître incessamment. Alors, j'attends très impatiemment le troisième album de I Am X. Le premier album était beaucoup plus électro. Le deuxième album, les arrangements étaient beaucoup plus soignés, beaucoup plus, ma foi, diversifiés. Et j'ai hâte d'entendre la troisième offrande de I Am X. Toujours et encore à l'intérieur du vestibule, en compagnie de Jean-François Fecteau. Pour me joindre, vous pouvez soit composer dans le 819 le 376-5183, le 376-5183, ou vous pouvez m'écrire en direct à mon adresse électronique, le vestibule en un seul mot, à commercial@segocable.ca, le vestibule à commercial@segocable.ca, pour tout commentaire, suggestion, demande spéciale. Et d'ailleurs, j'aimerais entendre peut-être vos coups de cœur de l'année 2008. Vous pouvez aussi les partager avec tous les disciples vestibulaires en vous rendant tout simplement sur le profil du vestibule sur MySpace, au myspace.com/ le vestibule, et en vous exprimant peut-être soit dans le blog du vestibule ou simplement en laissant un commentaire sur le profil. Ceci étant dit, nous allons faire une courte pause publicitaire et tout de suite après, je vous offre entendre la formation britannique Caned and Abel dans le vestibule. Cet hiver, c'est fou. Lots of fun with Mr. Snowman until the other kitties knock him down. We'll be right back. this way. Tonight can't go back, so that I can wait for it. While I was standing here, you took your high heels off and let the sun sink in. ce qui assurait la continuité de cette rétrospective 2008 dans le vestibule, c'était le duo suédois Tycon qui nous offrait We're Shining. C'est paru sur leur album 2AM. Tout juste avant, c'était Plush Gun, le projet mené par Daniel Ingala, américain. Il nous offrait la pièce Dancing in a Minefield, qui est la pièce titre de, du mini-album. Et un album complet devrait paraître fin janvier 2009. L'album s'intitulera Pins and Panzers. Et on débutait avec Cained and Able, qui est le projet des Britanniques Patrick Bird et Martin Savigar. Il nous offrait Fat Beats, Bulimic Beats, dis-je. Et sur cette pièce, on peut entendre des échantillonnages de la formation Catatonia. Et d'ailleurs, sur leur album Smoke, certaines pièces comprennent différents échantillonnages. Entre autres, on retrouve une pièce avec des échantillonnages de Billie Holiday, également de John Peel, si vous connaissez, de la vieille formation Specimen, formation gothique des années 80. Alors, très intéressant comme album, très différent aussi d'une pièce à l'autre. Parfois, on a l'impression d'entendre une compilation de différents artistes, mais c'est ce qui fait, selon moi, la valeur de cet album, Smoke de Cained and Able. Tout juste à l'instant, nous allons entendre dans le vestibule le duo israélien Violet Vision, qui nous ont sorti un troisième album toujours aussi solide. Leur musique est toujours aussi hybride. On mélange les éléments de musique trance, électro, downbeat, ambient. Très intéressant, toujours intéressant, Violet Vision. Ici, je vous offre à entendre tout simplement la pièce titre de leur troisième album, Heaven Underground. Voici Violet Vision dans le vestibule. Thank you. places just to keep yourself here without a clue. We're taking a number, 'cause we're just feeling under at the end of this day. Over to you, under a sea. We're so much closer, so beginning to wonder where it's taking us next. Sometimes you look where you go, but you never Cette pause publicitaire était précédée dans le vestibule par le duo britannique Grand National qui nous offrait la chanson Animal Sounds que l'on peut retrouver sur le single du même nom et également sur l'album A Drink and a Quick Decision. Tout juste avant, c'était le projet torontois Lowfish, le projet de Gregory Desrochers. Il nous offrait Knives, tiré de son album Frozen and Broken, sa sixième parution, et c'est paru sur étiquette canadienne Noise Factory Records. Et pour débuter, c'était le duo israélien Violet Vision, de qui on pouvait entendre la pièce-titre de leur troisième album, paru en 2008, l'album, Heaven Underground. Vous êtes toujours à l'émission spéciale Le Vestibule Rétrospective 2008 avec votre portier de service Jean-François Fecteau pour encore, ma foi, quelques moments. Et ce qui suit à l'instant, c'est en fait un extrait de l'album Emergence du duo américain Triphonic. Vraiment un album incontournable pour l'année 2008 en ce qui me concerne, bien sûr. L'album Emergence est en fait a été créé par les frères Tryphon, Brian et Lawrence Tryphon. Ils sont accompagnés de divers chanteurs-chanteuses sur cet album. Et sur la pièce que je vous présente à l'instant, c'est la chanteuse Christina Cortin qui les accompagne. Il s'agit de la chanson « Sooner or Later ». Voici Triphonic dans Le Vestibule. We'll be right back. the forklift passengers. The billboard sneaks away in the buildings, stealing the perfume of concrete. No diaries can stand the upper hand. Call, engage, reset. If as the seller, a million pounds of streets, I'm waiting in the car. The janitor's here to sleep. Red moon, complex topic, call. Engage, reset, this time. Once upon a time in a giant bath, while the water was turning black, the cleansing was a myth, doesn't matter in fact. Everybody did the evil out of fact. Fed with soaps and placebos, as it burns or they hold the ropes. But if this has got worse as the pimples burst, all the medics would turn out infected. Les domaines vestibulaires étaient cette fois habités par la musique du duo allemand Bookashade et la pièce Outskirts qui ouvre leur album The Sun and the Neon Light, leur troisième à leur actif. Et Bookashade est formé de Walter Merzegger et de Arnaud Kammermeyer. Tout juste avant Bookashade, c'était un autre duo, celui-là montréalais, du nom de Femme, avec la pièce Bathtub Clash, que l'on peut retrouver sur le mini-album Bathtub Clashes. Sur ce mini-album, on retrouve deux pièces originales, soit Bathtub Clash et Crimes and Night Calls. Et le reste des pièces sont des versions remixées de Bathtub Clash. Un album devrait paraître au début de l'année 2009. Donc, je suis très curieux d'entendre un album complet puisque ce mini-album m'a tout simplement ravi. Et vous connaissez peut-être ce duo puisqu'il se faisait connaître sous le nom de Plante ta femme auparavant. Donc, si vous connaissiez Plante ta femme, sachez que ce sont les mêmes membres derrière Femme. Et on débutait la séquence avec Triphonic, le duo formé des frères Brian et Lawrence Tryphon. On entendait la chanson Sooner or Later. Sur cette pièce, on peut entendre la chanteuse Christina Cortin, pièce que l'on peut retrouver sur le premier album de Triphonic, l'album Emergence. Bien que ce soit leur premier album, les frères Tryphon ne sont pas des nouveaux venus en ce qui a trait à la scène de la musique électronique. Ils ont fait leur bout de chemin chacun de leur côté et ils se sont réunis pour former Triphonic et ils ont d'ailleurs participé à la musique de la série télévisée CSI, si vous connaissez. Alors ce serait peut-être bon pour vous de tendre l'oreille davantage sur ce que fera dans le futur cette formation américaine qui a sorti un des meilleurs albums de 2008 selon mon humble avis. Jean-François Fecteau avec vous dans le vestibule pour encore, ma foi, quelques instants. Et je vous rappelle que vous écoutez la rétrospective 2008 du vestibule. Et pour me faire part de vos commentaires, de vos suggestions, de vos demandes spéciales, le vestibule à commercial segocable.ca. On enchaîne cette fois avec le projet français Kick Bong qui nous offre Something Better. Voici Kick Bong dans le vestibule. yes, there is a world out there, and even if you decide you don't want to meet it, it's still going to hit you right in the face. Believe me. So, best you start thinking about the world now and what it means to you. What does the world mean to you? We'll be right back. faces and black faces, every color in between, and the only thing that I know for sure is that, oh, shit. No, shit don't come in degrees. The white or black, shit is shit. Thank you. Publicitaire était précédé dans le vestibule par la formation australienne All India Radio qui nous offrait la pièce Persist Fast Mix, et cette version remixée on la retrouve sur l'album Fallout, qui est en fait l'album qui accompagne l'album Fall, et l'album Fallout comprend, comme vous l'aurez peut-être déjà deviné, des versions remixées de pièces que l'on retrouve sur l'album Fall. Et en achetant l'album Fall, on peut télécharger gratuitement l'album Fallout. Voilà. Et cet album Fall de All India Radio est en fait le cinquième de Martin Kennedy, qui en est le leader. Il est accompagné sur cet album de la chanteuse toujours australienne, Leona Prou. Tout juste avant All India Radio, c'était le projet français Miss Cherry et la pièce Rhythmic 2, Nous ne sommes rien. Et on retrouve cette pièce sur l'album Rhythmic Trips. Et pour débuter, c'était un autre projet français, celui-là Kick Bong, le projet de Franck Jousselin. Il nous présentait Something Better, c'est tiré de Flower Power. Jean-François Fecteau, votre portier de service dans le vestibule jusqu'à, ma foi, on ne sait trop quand. Et vous écoutez la rétrospective 2008 de l'émission Le Vestibule. J'espère que vous appréciez jusqu'à maintenant votre séjour. On va enchaîner cette fois avec un projet allemand du nom de Protasov qui nous offre la pièce Robinson dans Le Vestibule. Thank you.